loved and lost and lost. And a lady looked at me, really a lady looked at me and she said, my darling. We'll be right back. We'll be right back. to bring peace and love to your world, we are sending you our very special agent.

Fuse Files avec Pierre. Et voilà, c'est quasiment terminé. C'était le DJ set de Pierre pour le Fuse. J'espère que vous allez passer une excellente soirée. Vous n'oubliez pas votre stock de préservatifs. Vous n'oubliez pas que les boîtes, ça conserve. Et on se retrouve la semaine prochaine, ici même, pour Pure Tracks, comme tous les vendredis et tous les samedis de 20h à 2h du matin. Allez, bonne nuit. Ciao, ciao.